BDM et Marc, ils avaient une maladie cancer. Est-ce que c'est un programme à eux ou autre chose? Ça devient délicat, là, de répondre à ça. Ça devient délicat. L'affaire, c'est que d'une certaine façon, ils ont fait leur travail, semble-t-il. Puis, d'une façon ou d'une autre, ben, à un moment donné, ben, il y a du roulement de personnel, si on peut dire. Puis c'est correct. Mais c'est dangereux de donner un sens à ça. C'est vraiment là. Mais bon, c'est un peu comme d'une certaine façon, oui, il y a de la programmation. T'sais, je le vois comme de la programmation. Je sais que Bernard de Montréal, vers la fin de sa vie, en a parlé de ça. Comme quoi, il aurait été rapporté, comme quoi qu'il succombait à sa propre programmation. Dans le sens qu'il n'avait jamais pris soin de sa santé. Qui fait le programme? Ben, l'énergie va aller selon son appointement, il va se déclencher ce qui est plus en phase de se déclencher. C'est comme si vous me disiez, qu'est-ce qui fait que l'eau de la rivière, fait fonctionner le moulin? Dans le sens que qui fait le programme? Ben, c'est systémique la programmation. Dans le sens que les mêmes intelligences, mais pas conscientes au sens où on l'entend, mais c'est de l'intelligence pareille qui ont fait que le système nerveux est fait intelligemment, que le système vasculaire est fait intelligemment. C'est un peu ça, là, la programmation. On dirait que jusqu'à un certain point, ce type d'intelligence-là accorde très peu d'importance, au sens où nous, on en donne. Donc, qui fait le programme? À mes yeux, il y a des forces, des rapports de force qui vont engendrer des dynamismes. Donc, qui fait le programme, là, c'est donner de la volonté au programme.